Les hommes et les femmes d'ici, qui s'affolent quand il pleut, ont chacune et chacun un secret à garder. El secreto, qu'elles le disent. Chacune et chacun croit leur secret unique. Et parfois, c'est l'inverse. Toutes et tous pensent avoir le même secret qu'il ne faut pas divulguer. Car les hommes et les femmes d'ici sont changeantes dans leur comportement. Ce qui embrouille encore les choses, c'est que le changement n'arrive pas pour tout le monde au même moment. Par exemple, le secret de Madame Cujas, c'est son nom. Tout le monde pense que son mari s'appelle Jazz et elle Cure, ou bien l'inverse. Mais tout le monde a tort. Madame et Monsieur Cujas ont un secret en commun. Quand elle et lui se sont rencontrés, les deux avaient un secret. Elle et lui ne savaient pas que leurs secrets se ressemblaient. Tant qu'elle et lui s'appelaient par leur prénom, tout allait bien. Elle s'appelait Roseline, il s'appelait Roselon. C'était mignon. Un jour, il voulut lui écrire, mais il n'osa pas lui demander son nom, car il devrait donner le sien en retour et il en avait honte. Il ne savait pas où elle habitait et elle n'était jamais allée chez lui non plus. Chacun cachait son identité comme un secret, car elle aussi avait honte de son nom. Mais les deux s'aimaient vraiment beaucoup et l'envie leur prenait souvent de se lier pour la vie. Quand elle lui prenait la main et l'entraînait en forêt, ça leur faisait comme des papillons dans tout le corps. Mais Roseline et Roselon se sentaient chenilles et n'osaient pas le dire à l'autre. Un jour, elle ou lui, on ne sait pas qui, c'est leur secret, décida d'en parler, de la chenille et des papillons. Et les deux se comprirent instantanément. Allait-elle continuer avec le dévoilement du nom ? Il me faut expliquer le contexte. À la fin du siècle dernier, l'ancienne loi qui, en France, donnait aux enfants le nom de leur père pour rendre publique l'intimité de la conception, devint obsolète quand l'insémination artificielle fut possible et permise à partir d'un donneur anonyme. Un nouveau décret fut promulgué qui permettait aux couples mariés de donner à leurs enfants le nom qu'ils voudraient, celui de la mère ou celui du père, pourvu que ce soit le même pour tous les enfants nés des mêmes parents. On dira plus simplement de la même famille, que le père soit le géniteur ou non. La coutume qui donnait aux mères le nom des pères résista à un certain temps, et d'autant plus qu'elle commençait avant même que les femmes deviennent mères, c'est-à-dire dès le mariage, dont le but était de rendre officielles les coucheries, desquelles résulterait une naissance. Quand le mariage homosexuel devint légal, il fallut trouver une nouvelle façon de nommer les deux entités d'un amour commun, pour le cas où il y aurait des enfants à la clé, que ce soit par adoption ou insémination. Certes, la possibilité existait aussi d'ajouter les deux noms pour en faire un seul. Mais à la génération suivante, on ne pouvait pas continuer ainsi, car les enfants auraient 4 noms, la génération suivante 8 et la prochaine 16. Et de tant prendre d'importance, les noms allaient devenir des pages entières qui feraient oublier ce que l'on avait à dire. Il fut donc convenu d'aller dans le sens inverse, celui du raccourcissement. Chacun des parents donnerait une syllabe à son enfant. C'est à ce moment-là que Roseline et Roselon se rencontrèrent. Et puisque l'une et l'autre avaient honte de leur nom, leur amour commun permettrait d'en changer, se disait-elle de son côté et se disait-il du sien. « Je te dévoilerai mon nom de chenille, » dit Roseline à Roselon. « Si tu me dévoiles le tien aussi. » Et Roselon fut d'accord. C'est ainsi qu'il apprit qu'elle s'appelait Roseline Pète. La déception fut grande pour Roselon, car son nom de chenille à lui ne changerait pas grand-chose pour devenir papillon. Quand Roseline le vit triste, elle eut peur de comprendre. Pour ne pas prolonger leur tourment, ou bien le partager, elle lui somma de dire vite son nom. « Hélas, fit-il, je m'appelle Roselon Péton. Qu'on le tourne dans tous les sens, leur nom de papillon ne pouvait pas être très différent de leur nom de chenille. Si l'on prenait les deux premières syllabes, ça faisait « Pète-pète, pépé ou pépette ?»« Pète-pète, ça redoublait le problème. » Pépé, ça les vieillissait tout de suite. Pépette, ça les faisait croire riches ou avares ou dépensiers et dépensieurs. Et ni Roseline ni Roselon ne souhaitaient qu'on pense à l'argent en les voyant ou en parlant et lui. Si on prenait les deux dernières syllabes, ça faisait... Téton ou tonte. Téton, ça renvoyait encore à un endroit du corps, même si c'est pas le même... Et tonte réveillait de mauvais souvenirs dans l'histoire avec un grand H que Roseline et Roselon auraient souhaité hacher à coups de machette pour ne plus vivre d'horreur guerrière. Si l'on prenait la première syllabe de l'un et la deuxième syllabe de l'autre, ça faisait... Tempête ou péton. Aucune perspective de changement. L'oiseau, qui s'était posé sur l'épaule de l'enfant d'avant, avait tout entendu de leur conversation et des pensées qui l'accompagnaient. Il vint les rejoindre dans la forêt et se mit à gazouiller si fort que Roseline et Roselon se regardèrent étonnés et décidèrent de l'écouter. Dans le gazouillis de l'oiseau, chacune et chacun entendait ce qu'elle voulait. Roseline entendit un conseil, Roselon entendait une chanson, mais les deux disaient pareil. Dans le texte, ça donnait « Changer pour changer, changer tout. Changer pour changer, changer tout. » C'était dit sur tous les tons, en vocalise ou en gazouillis, en murmure ou en sifflet. Mais aucun doute ne pouvait subsister. C'était bien un conseil que les oiseaux leur donnaient. Alors Roseline et Roselon optèrent pour la solution du changement radical. Leur nom commun n'aurait que deux syllabes, mais aucune des deux ne rappellerait leurs anciens sons. Et c'est ainsi que Roseline devint Madame Curjaz et Roselon Monsieur Curjaz aussi. Pourquoi Curjaz ? Parce que cure veut dire « pourquoi » en latin, et « jazz » à cause de la musique de l'oiseau. Mais tout ceci est un secret qu'il ne faut surtout pas répéter.